on sait depuis Mallarmé qu'un coup de dé jamais n'abolira le hasard, les scientifiques cherchent toutefois à en percer les mystères et à en dessiner les lois. Entre la part d'aléatoire naturel favorisant l'évolution, notre besoin de trouver des coïncidences et la fin du hasard en amour, c'est une piste à trois branches que nous suivrons, pas tout à fait par hasard, dans cette émission. D'une piste à l'autre, ce sera celle des artistes préhistoriques que nous retrouverons puisqu'on apprenait il y a peu que la grotte Kosker, une grotte ornée découverte en 1985, aura d'ici 3 ans sa réplique tout comme la grotte Chauvet ou celle de Lascaux. Et enfin, le 8 octobre dernier, Michel Mayor, Didier Queloz et James Peebles recevaient le prix Nobel de physique pour leur découverte en astrophysique. Michel Mayor répond ce mois-ci aux questions du magazine La Recherche et il rappelle l'importance de sa découverte avec Didier Queloz de la première exoplanète en 1995. Depuis, on en a découvert plus de 4000 et on cherche toujours celle qui pourrait donner des signes de vie. Les lois du hasard, la réplique d'une préhistoire et la chasse aux exoplanètes, c'est le menu de notre parcours scientifique du jour. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour parler de toutes ces actualités scientifiques, j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui Sylvain Guilbeault. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au magazine La Recherche. Bonjour Loïc Mangin. Rédacteur en chef adjoint des numéros hors série du magazine Pour la Science et une primo participante à nos tables rondes d'actu aujourd'hui. Bonjour et bienvenue Jennifer Carner. Bonjour. Vous animez la chaîne YouTube Boneless Archéologie. Vous êtes la co-auteure du livre Retour vers le Paléo paru chez Flammarion. Vous pouvez écouter cette émission comme chaque jour sur Twitter ou sur France Culture ou bien sur Internet et vous pouvez nous suivre sur Twitter en suivant le compte @laméthodefc. Mais tout d'abord, comme chaque vendredi, nous retrouvons celle qui ne laisse rien au hasard et qui fouille dans les profondeurs du temps et du cosmos scientifique. Il s'agit bien entendu de Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Antoine. On commence avec le premier sujet de ce journal. Une étude publiée dans la revue Nature apporte de nouveaux éléments sur l'origine de la marche. Les origines de la bipédie, c'est l'un des grands mystères de l'évolution. Une des hypothèses est qu'il existait une forme de bipédie bien avant la bifurcation chimpanzé-humain. Mais il restait encore à le prouver. Une équipe allemande vient de découvrir les fossiles d'une nouvelle espèce de singe, baptisée Danuvius guggenmosi. Ces ossements sont vieux de plus de 11 millions d'années, soit 4 millions d'années avant l'apparition des premiers représentants du genre Homo. Ces fragments de crâne, de tibia, de fémur, de mains et de bras ont permis de rétablir les proportions de l'animal. La morphologie de ses jambes montre qu'il pouvait se déplacer debout. C'est à ce jour la plus ancienne preuve de bipédie chez un primate. Gilles Bérillon est directeur de recherche CNRS et travaille au laboratoire Histoire naturelle de l'homme préhistorique au Musée de l'Homme à Paris. C'est tout l'intérêt de cette découverte, je pense, c'est que on a sur ce squelette des éléments qui attestent d'une forme de bipédie. Voilà, on a un fossile de 11 millions d'années à peu près, qui a des traits qu'on retrouve, qui font dire qu'il avait une posture, un équilibre, une marche bipède possible. Un de ces traits, on le voit, c'est assez marqué sur le tibia. Et la morphologie de l'articulation du genou et de la cheville de ce tibia sont très dérivées, c'est-à-dire qu'elles ressemblent beaucoup à une morphologie, on va dire, hominine, qu'à une morphologie de chimpanzé ou de gorille ou d'orang-outan. Dans cette étude, il suggère que cette espèce de primate était donc capable de marcher sur ses deux jambes et aussi de pouvoir se déplacer sur des branches. Est-ce que ça peut aussi suggérer qu'il aurait pu être le dernier ancêtre commun des grands singes et des humains? En l'état actuel des connaissances, c'est un bon candidat. Ce qui le rend un candidat potentiel à l'ancêtre des humains et des chimpanzés, c'est qu'il a au niveau de son anatomie locomotrice et de ses membres postérieurs des éléments qui le tirent un peu plus vers la bipédie telle que nous on la pratique. En bref, on connaît plus précisément la taille du proton. Et il est plus petit que prévu. Le problème de la taille du proton, un problème de physique nucléaire, fascine les physiciens depuis 2010. Une équipe internationale vient d'en obtenir la mesure la plus précise à ce jour. Lors de leur dernière expérience, appelée PRAD, ils ont utilisé un calorimètre électromagnétique qui mesure les différents niveaux d'énergie des particules pour parvenir à ce résultat. Le rayon d'un proton est de 0,831 femtomètres. Les détails de l'étude sont à retrouver dans la revue Nature. En bref, toujours, selon une étude parue dans Nature Ecology and Evolution, l'origine de la vie pourrait provenir des profondeurs des mers. Et plus exactement, la vie pourrait provenir des cheminées hydrothermales. Une équipe britannique apporte de nouvelles preuves expérimentales. Elle a reproduit en laboratoire les conditions similaires de ces fissures hydrothermales et elle a réussi à créer des protocellules capables de s'auto-assembler. Les températures chaudes, les niveaux de pH élevés et la salinité n'empêchent pas le développement de ces protocellules. Bien au contraire, ces conditions stimulent le développement de ces éléments clés du vivant. Ce travail met au défi l'une des principales théories de Darwin, selon laquelle la vie serait d'abord apparue dans des flaques d'eau peu profondes. On poursuit avec le deuxième sujet de ce journal. Une nouvelle étude parue dans Nature apporte de nouvelles prévisions sur la hausse du niveau des mers. Et c'est une étude de paléoclimatologie menée par une équipe australienne. Avoir une meilleure compréhension des mécanismes géologiques passés, cela permet de mieux anticiper les phénomènes à venir. Cette étude retrace l'évolution du niveau des mers pendant la période interglaciaire qui a eu lieu il y a environ 130 000 ans. Dans des caroctages marins, ils ont observé la composition isotopique des carapaces de plancton fossile, ce qui donne des indications au changement de la composition isotopique des océans, qui elle-même est reliée à la quantité de glace. Et d'autre part, ils ont fait l'analyse du niveau des mers relatif, visible sur les côtes. On sait que le niveau des mers était entre 6 et 9 mètres au-dessus du niveau actuel. Grâce à cette reconstitution, on comprend mieux pourquoi. Catherine Ritz est chercheure à l'Institut des géosciences de l'environnement à Grenoble. Elle est spécialisée dans l'évolution des calottes polaires. Une des questions qu'on se pose quand on regarde le niveau des mers, on sait que c'était 6 à 9 mètres au-dessus de l'actuel, mais on a du mal à démêler ce qui est lié au Groenland et ce qui est lié à l'Antarctique. Et en fait, les processus ne sont pas les mêmes. Donc c'est très intéressant d'avoir des meilleures datations, parce que les meilleures datations donnent accès à des informations sur les processus. Dans cet article, il semble que l'Antarctique ait été le précurseur, ait été la première calotte qui a eu des variations, avec des variations rapides, avec des variations du niveau des mers de l'ordre du mètre par siècle, ce qui est pas mal. On subodorait déjà ça, mais là, cet article donne des variations beaucoup mieux datées, donc avec une meilleure représentation de la variabilité. Et ce qui est intéressant, parce que ça nous dit de combien le niveau des mers peut monter en combien de temps. Ce que dit aussi ce papier, c'est que l'Antarctique a été considéré comme un géant endormi de l'élévation du niveau de la mer. Ah oui, pendant longtemps, on pensait même que l'Antarctique, dans le cadre d'un réchauffement climatique, prendrait de la masse parce qu'il neigerait plus. Et puis, on s'est aperçu qu'il y avait des processus mécaniques d'accélération des glaciers qui faisaient qu'en fait, même en ce moment, l'Antarctique perd de la masse à cause de ce processus et que c'est le processus qui est le plus mal contraint parce qu'on n'a pas beaucoup de données. C'est celui qui pourrait donner les contributions les plus grandes aux variations du niveau des mers dans le futur. C'est la plus grosse incertitude sur le niveau des mers pour les siècles à venir, c'est l'Antarctique. Pour la première fois, des vents interstellaires ont été directement observés. Et les chercheurs de l'Université de Californie à San Diego ont même modélisé cet immense flux interstellaire. Vous pouvez voir cette reconstitution sur le fil Twitter de la méthode FC. C'est une observation faite grâce au Keck Cosmic Web Imager, le spectrographe de l'observatoire Keck installé à Hawaï. Ces vents cosmiques proviennent de la galaxie Makani, une galaxie née de la fusion de deux galaxies. La formation d'étoiles de grande densité peut propulser des vents rapides capables de s'étendre jusqu'à plus de 163 000 années-lumière du centre de la galaxie. En bref, toujours, dans The New England Journal of Medicine, un nouveau vaccin contre la dengue est sur le point d'aboutir. Et le virus de la dengue transmis par les moustiques touche environ 500 000 personnes chaque année et peut provoquer la mort des jeunes enfants. Suite à des complications, le dernier vaccin en date a dû être arrêté. Et là, le groupe pharmaceutique japonais Takeda rapporte les résultats positifs d'un essai clinique de phase 3. Il a été testé sur plus de 20 000 enfants et il serait efficace à 80% dans la prévention des infections. Si aucun risque de sécurité important n'a été observé, les auteurs reconnaissent qu'ils doivent poursuivre de nouveaux tests afin de déterminer son efficacité. Enfin, cette semaine dans le journal des sciences, Natacha, nous avons vu que pour traiter la dépression, la luminothérapie serait aussi efficace dans certains cas que les antidépresseurs. Nous avons parlé du projet du gouvernement de généraliser la surveillance de masse via les réseaux sociaux. Il a aussi été question d'un casse-tête cosmologique physique. L'univers est-il plat ou rond? Nous avons enfin parlé des analyses d'un échantillon de glace vieux de 2 millions d'années. Et enfin, cette semaine, dans l'actualité des sciences, Natacha, en ultra bref. Cette semaine, une première médicale avec le succès de la première greffe de pénis, de scrotum et de paroi abdominale inférieure. Un an plus tard, l'opération est réussie. Le patient qui avait été mutilé par une explosion n'a rencontré par la suite aucune complication. Toutes ses connexions nerveuses se sont rétablies. Et enfin, le programme international SETI et le satellite TESS de la NASA viennent de signer un accord. SETI, qui est spécialisé dans la recherche d'une vie extraterrestre, va fournir au satellite une liste de 1000 exoplanètes à observer de plus près. Et comme chaque vendredi, on termine ce journal par la rubrique d'improbablogie. Les chercheurs du MIT développent une intelligence artificielle capable d'analyser, tiens, les excréments. Alors la campagne de recherche s'appelle « Give a shit for science », traduire « Donnez votre caca pour la science ». Vous êtes poli. Les internautes sont invités à envoyer des photos de leurs selles. C'est anonyme et l'objectif est de constituer une base de données de plus de 100 000 images. Elles seront ensuite analysées par les gastro-entérologues. Le but est de créer un algorithme capable de diagnostiquer les problèmes intestinaux. Vous pouvez donc envoyer vos photos à seed.com/poop. Crac, boum. Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve lundi. Une réaction peut-être autour de la table à ce qui vient d'être dit dans le journal des sciences de Natacha Triou, Loïc Mangin. Je vais laisser aux autres le soin de réagir à la dernière brève ou à la grève de scrotum même en fait. Mais éventuellement je veux bien me faire l'avocat de Darwin, quoi. Donc l'étude qui montre que la vie sera apparue au fond de la mer. Et donc ça a été présenté comme infirmant une hypothèse de Darwin. Mais il y a 150 ans... C'est déjà un exploit d'avoir pu postuler la naissance de la vie dans l'eau, même dans une flaque d'eau, à une époque où la naissance de la vie, normalement, c'était plutôt Dieu qui, un certain jour, avait modelé un peu de terre, etc. Quoi. Donc non, je réhabilite Darwin, je me fais son avocat. Très bien, je pense que Darwin appréciera, Sylvain Guilbeault, une réaction à ce qui vient d'être dit dans ce journal. Oui, sur le rayon du proton, c'est une histoire assez fascinante, c'est un puzzle qui est pour les physiciens depuis effectivement 2010, avec à l'époque une mesure qui... À l'époque, effectivement, ils avaient trouvé cette mesure de 0,84 femtomètre. Donc, un femtomètre, c'est 10 puissance moins 15 mètres. C'est vraiment minuscule. Alors, bien sûr, quand on parle de protons et de taille de protons, on s'imagine qu'on est avec une règle minuscule en train d'essayer de mesurer une bille microscopique. En fait, quand on parle de rayon du proton, il s'agit en fait de ce qu'on appelle le rayon de charge. C'est-à-dire, le proton a une charge électrique et le rayon est une mesure du volume dans lequel se répartit cette charge électrique. Il ne s'agit pas du rayon d'une petite bille de matière. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, ce résultat était en 2010, c'était en dehors des limites et des limites de précision fixées par des expériences antérieures. Et donc, il y avait un tremblement parmi la communauté physicienne. Est-ce que c'est notre théorie qui est fausse? Parce que la théorie qui prédisait cette valeur était quand même assez bien établie. Ou est-ce qu'il y a une erreur expérimentale dans les mesures, dans l'expérience? Et il a fallu en fait toute une série de nouvelles expériences avec deux techniques différentes qui ont finalement réussi à converger seulement cette année. Et c'est finalement une jolie condensée de l'histoire des sciences, en fait, l'histoire de la façon dont les scientifiques essayent de s'attaquer à un problème qui ne révolutionne pas la physique, parce que finalement ils semblent tomber d'accord sur une valeur, la théorie et l'expérience semblent se réconcilier. Mais vraiment c'est un exemple intéressant de la façon dont il fonctionne. Une particule ajoutée à l'édifice de la physique, c'est beau. Jennifer Kerner, une réaction à ce journal? Ah bah moi, bien évidemment, je suis très excitée par la découverte des preuves de la bipédie sur ce singe Danuvius, d'autant plus qu'au regard de l'évolution, on n'est quand même qu'à 3,5 millions d'années du dernier ancêtre commun proposé par la communauté scientifique, qui était soit Toumaï, soit Ardipithecus ramidus. Donc c'est évidemment une découverte très excitante pour la paléontologie humaine. La méthode scientifique, Antoine Beauchamp. On commence ce tour de table de notre table ronde actualité avec le premier dossier du jour, avec vous Loïc Mangin. Je le disais en introduction, le hasard nous est cher, mais on en a visiblement une vision hasardeuse. C'est ce qu'on peut lire dans le très beau numéro collecteur de Pour la Science, qui sort en kiosque ce mois-ci et qui est consacré au hasard et à ses lois. Des lois qu'on a du mal à accepter, nous qui trouvons, par des biais de perception aujourd'hui bien connus, des coïncidences partout. Alors comment on l'explique, ce besoin de réorganiser le hasard et de trouver une part d'organisation dans cet aléatoire ? On a toujours eu besoin de règles. Enfin, on laisse rien. On peut pas laisser quelque chose être dû à quelque chose qu'on comprend pas. Donc, pendant en fait très longtemps, ça a été des divinités. C'est ce qu'explique Jean-Claude Carrière dans l'entretien introductif qu'il a eu l'honneur de nous accorder. Et donc voilà, la grande phrase, c'est voilà, Dieu est le grand ennemi du hasard. Et ce que disait peu ou prou Einstein. Il disait Dieu ne joue pas au dé. C'est pas tout à fait la même chose. Ouais. Et donc. Pendant des millénaires, on a expliqué des choses qu'on ne comprenait pas par une divinité. Ensuite est apparue la science, qui a cherché à expliquer de façon, on va dire, rationnelle, les phénomènes qui nous entouraient, que ce soit, la foudre qui tombe sur un arbre, ou plus proche de nous, des cataclysmes ou des épidémies, des choses comme ça. Et donc, la science s'est emparée de cette idée d'explication et de rationalité et a été confrontée à des phénomènes qui, finalement, semblait pas tomber sous le coup de lois faciles à expliquer. Et donc, il y a tout un pan de la recherche et tout un pan de la science et des phénomènes qui tombent sous le coup de ce qu'on pourrait appeler le hasard. Mais les chercheurs tentent quand même malgré tout d'essayer d'expliquer comment ça fonctionne, d'essayer de trouver des lois au hasard. Et c'est effectivement, quand je dis des lois au hasard, c'est pas qu'ils jettent des dés pour définir des lois, hein, c'est, ils essayent d'expliquer le hasard. Et donc c'est effectivement l'objet de ce numéro collector qui fait un petit panorama de ce que représente le hasard dans différentes sciences et aussi d'essayer d'expliquer comment nous, êtres humains, on fait face à des phénomènes aléatoires. Et donc effectivement, il y a un article de Jean-Paul Delahaye qui essaye de déconstruire via différents paradoxes des réactions qu'on trouve naturelles face au hasard et qu'on prend pour des choses très étonnantes et qui sont finalement tout à fait logiques et rationnelles quand on fait un peu de probabilité, par exemple, pour certains de ces paradoxes. Alors, on va en prendre quelques-uns de ces paradoxes, on va les citer. Il y en a un qui a un nom assez intéressant, c'est le paradoxe des anniversaires. Comment expliquer ce paradoxe-là d'un point de vue simple à des auditeurs qui sont pas forcément familiers des questions de probabilité, qui sont souvent même des traumatismes. Alors, on va essayer de faire ça. Prenez une feuille et un crayon. On va déjà commencer par rappeler signifie ce paradoxe. Enfin, voilà. C'est une simple question. En gros, combien de personnes faut-il réunir pour que la probabilité que deux d'entre elles, au moins, aient la même date d'anniversaire dépasse 50%? Voilà. On enregistre la question. Voilà. Je vous laisse 30 secondes de réflexion. 30 secondes de blanc à la radio, c'est une éternité. On va peut-être pas le faire. Alors, je vais tout de suite. Ouais. La plupart des réponses instinctives, c'est de l'ordre de 185. En gros, on prend 365, on va oublier tout ce qui est année bissextile, etc. On divise l'année par deux, on arrive à 183. Ian Stewart, un mathématicien, fait des tests auprès de ses étudiants. Il arrivait à 385, qui là, pour le coup, est complètement... absurde, parce qu'on peut imaginer dire, ok, 365, il suffit de prendre 366 personnes, et là, ça marche. Et effectivement, à 366, la proba est de 100%. La question est, pour que la probabilité soit juste supérieure à 50%. En fait, on arrive à résoudre ce problème en prenant la question à l'inverse. On va réfléchir à combien de personnes il faut pour que aucune n'ait la même date d'anniversaire. Donc pour la première, on va avoir le choix entre 365 dates. Pour la seconde, puisqu'on va écarter la date d'anniversaire du premier, on va arriver à 364. Et ainsi de suite. Et on va à chaque fois calculer la probabilité pour qu'il n'y ait pas de couple de même date d'anniversaire identique. Et en allant de 365, 364, etc., on arrive à une jolie formule avec des factoriels, donc je ne vais pas vous la détailler. Et on arrive tout simplement au résultat de 23 personnes. Vous prenez 23 personnes, la probabilité que deux parmi elles aient la même date d'anniversaire soit supérieure à 50% est supérieure à 50%. Alors ça va vraiment à l'encontre de notre intuition et de notre goût, d'une certaine façon, pour les coïncidences. Comment on explique finalement que ce chiffre soit aussi petit ? Parce qu'on appréhende très très mal le hasard. On a une intuition très très fausse finalement de ce que représente le hasard. Une des raisons qui pourrait expliquer ça, c'est ce qui s'appelle l'attente excessive d'étalement. On peut partir pour essayer de l'expliquer de tableaux, par exemple le Golconde de Magritte, où on voit une pluie d'hommes dans un ciel. On les voit très uniformément répartis. Et le mot-clé, c'est uniformément répartis, puisque quand par des processus aléatoires sur ordinateur, on essaye de reconstituer, je sais pas moi, des ensembles de points sur un petit carré, on arrive forcément par-ci par-là des petits amas, des petits points qui se touchent, et ça correspond pas du tout à ce que nous on appréhende comme être du hasard. Quand on présente différentes grilles à des personnes et que pour certaines, en fait, c'est comme si on avait passé un râteau qui va bien répartir ses points sur cette grille, les gens auront tendance à privilégier cette grille comme étant celle due à des processus aléatoires. C'est le fameux effet râteau qui n'a rien râteau, à voir avec tes amours déçus. Mais on peut retrouver cet effet râteau, enfin ce besoin de réordonner l'aléatoire dans d'autres œuvres d'art, je crois, dans un tableau de Bruegel qui s'appelle Le jeu des enfants. On va partager l'image sur Twitter. Ça, c'est notre besoin d'établir ce qu'on appelle la loi des séries. C'est ça, ce besoin de trouver des liens entre des événements qui n'ont aucune corrélation a priori. Alors, je ne sais pas si c'est un besoin, mais il se trouve que, effectivement, cette attente excessive d'étalement explique au moins en partie ce qu'on appelle la loi des séries. C'est que, et donc une expérience, donc là je vais encore faire un peu de mathématiques, je m'en excuse au premier. Allez-y, vous êtes là pour ça. Voilà. Prenez au hasard 12 dates dans l'année, donc ça, en fait, ce qui correspond un peu au prou à choisir 12 nombres entre 1 et 365. Et en fait, parmi ces nombres, on s'intéresse à l'écart, le plus petit écart entre deux nombres choisis. Donc si, par exemple, l'écart maximal, c'est 30 jours, c'est 30 par exemple, si on choisit chaque premier du mois d'une année par exemple. Et en fait, quand on procède à, je sais pas, quelques milliers de choix de 12 dates au hasard, et qu'on s'intéresse à cet écart minimal, il est seulement de 2,63, je crois précisément. Ça veut dire que, de façon aléatoire, en choisissant 12 dates, on aura forcément des dates très proches. Et donc, ce qui s'applique pour des dates peut aussi arriver pour différents types d'événements, et ça va tomber sous le coup de ce qu'on appelle ensuite la loi des séries. Alors après, ça peut être, je sais pas, des accidents d'avion, des accidents de ski, qui peuvent par ailleurs s'expliquer par d'autres phénomènes qui n'ont rien à voir avec le hasard. Oui, des phénomènes psychologiques aussi. On réordonne aussi les choses en fonction de ce qui nous intéresse et ce qu'on trouve d'impressionnant aussi. Oui, voilà. Et dans ce même numéro, Nicolas Govrit fait état de différentes expériences qui ont tenté d'expliquer ça. Et en fait, il relie notre perception du hasard à des phénomènes de complexité qu'on peut percevoir dans notre environnement. Et quelque chose qui sera d'autant plus complexe, c'est-à-dire qu'on aura du mal à définir simplement, parce que on l'aura rencontré le moins souvent possible dans notre environnement, c'est ça qu'on va considérer comme étant aléatoire. Mmh. Quelque chose qui, par hasard, apparaît régulier, ne sera pas du tout considéré comme du hasard, même si pourtant c'est du hasard qui a présidé sa naissance. Alors si vous achetez ce numéro de Pour la Science, on ne fait pas qu'y arracher les cheveux dans ce numéro, on les compte aussi. Alors racontez-nous un petit peu aussi cette histoire de probabilité d'avoir le même nombre de cheveux sur la tête qu'une personne inconnue. Voilà, comment ça se passe et comment on calcule cette probabilité-là? C'est sur un raisonnement que je ne vais peut-être pas détailler avec précision, mais c'est calqué sur le modèle du paradoxe des anniversaires en fait. On estime qu'à peu près chaque individu a environ 200 000 cheveux, on oublie les chauves. Et par un calcul proche de celui utilisé pour l'effet le paradoxe de l'anniversaire, on arrive à montrer que, je sais pas moi, parmi 1000 individus, la probabilité que deux aient le même nombre de cheveux est quasiment 92%. Et elle atteint 99,99999% pour 3000 personnes, par exemple. Vous allez à un concert, une salle de 3000 personnes, c'est déjà un grand concert. Il y a forcément deux personnes qui ont le même nombre de cheveux. Donc amusez-vous à regarder. Si vous ennuyez à un concert, c'est un super moyen de trouver. Reste à inventer la machine à compter les cheveux. c'est ça. Alors là, on comprend quelque chose aussi dans notre rapport au hasard. C'est souvent, et dans notre rapport aux probabilités, c'est souvent que ce qui dépend et ce qui biaise notre rapport au hasard et à l'aléatoire, c'est la façon dont on pose une question aussi en termes de probabilité et comment on l'interprète, cette question-là. Comment on interprète cette question qui est posée vis-à-vis d'un problème. C'est des jeux très subtils et c'est effectivement... Le langage a sa part importante. On va trop vite pour répondre et c'est typiquement ce qu'explique Nicolas Govrit en distinguant deux questions que je vais vous exposer ici. Entre estimer la probabilité d'obtenir par hasard un phénomène, et déterminer la probabilité que cette figure soit produite par un phénomène aléatoire. Et ça, c'est à partir de ça qu'il déroule son raisonnement sur les liens qui relient complexité et hasard, par exemple. Alors, le hasard, il n'est pas présent uniquement dans les mathématiques, dans les calculs probabilistiques. Certains processus naturels sont purement aléatoires. C'est ce qu'on a constaté notamment dans le développement des systèmes olfactifs et visuels chez la souris, par exemple. Et ça, c'est ce qu'on appelle le principe d'exclusion. Il en est fait mention dans ce numéro de Pour la science. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu comment la nature, elle aussi, dans l'évolution, joue avec le hasard, avec l'aléatoire? Alors, on va changer de feuille, mais on va garder le même crayon. Déjà, bien en amont, n'importe quel être vivant est un organisme d'une complexité folle, et on va rester sur l'humain, on n'a que 22 000 gènes. Donc, imaginez qu'à partir de ces seuls 22 000 gènes, on puisse obtenir un organisme d'une complexité folle comme nous le sommes. C'est pas possible. Donc ça veut dire que le déterminisme qui a longtemps prévalu en génétique et en biologie, à savoir le programme génétique, à partir de tel gène on va fabriquer telle protéine qui va s'arrimer à tel autre, dans une vision très mécanistique de la vie, ça marche pas, quoi. Mmh. Et quelque chose est venu un petit peu à la rescousse de ce problème-là, c'est justement la notion de hasard, où on laisse une part du hasard faire son œuvre dans ces différents processus biologiques, à commencer par simplement l'expression des gènes, finalement. Et ensuite, une des options choisies au hasard va s'engouffrer dans une sorte de goulet d'étranglement qui va la conduire, je sais pas, ça peut être par exemple pour une cellule, une voie de différenciation qui va la conduire vers un destin particulier. Ou, pour le coup, dans le système olfactif, ça a été très étudié dans la souris. Par exemple, la souris a 1400 gènes dédiés au récepteur olfactif. On n'imagine aucune mécanique particulière qui va pouvoir dire dans telle cellule ça va être celui-là, dans telle cellule ça va être celui-là. À nouveau, c'est le hasard qui intervient. Et on commence à comprendre un peu plus comment ça marche, c'est-à-dire comment, quand un de ces gènes va s'exprimer, aucun autre ne va l'être, va être réprimé. Donc c'est ça le principe d'exclusion, en fait. C'est que quand une voie sera choisie, toutes les autres vont être réprimées et vont devenir impossibles. Et donc, pour rester sur le système olfactif, une fois qu'un gène d'un récepteur olfactif va commencer à être exprimé, par un jeu que je trouve superbe de réorganisation de l'ADN sur un mode tridimensionnel, on imagine tous ces chromosomes dilués, se rapprocher, se mouvoir et faire converger vers un seul endroit tous ces gènes dédiés au récepteur olfactif. Un va s'exprimer, il va être choisi au hasard, et par tout un système de répression qui fait intervenir des molécules, tous les autres vont être réduits au silence. Là, on voit la plasticité et finalement le bénéfice adaptatif qu'on peut retirer de cette place laissée au hasard, c'est que c'est hasard, c'est le hasard, mais c'est efficace. En fait, il permet la diversité. Ouais, c'est ça. Voilà, ça. Finalement, sur un coup de dé, on a beaucoup plus de champs des, on a un champ des possibles beaucoup plus ouvert que sur ce que je disais tout à l'heure, un système très déterministe, mécaniste, en fait. Enfin, dans ce numéro de Pour la science, on nous explique aussi que le jeu de l'amour et du hasard pourrait bientôt devenir le jeu de l'amour et de la prédiction. Pardonnez mon romantisme, mais j'y crois pas du tout. Expliquez-moi un petit peu quand même pourquoi. Donc là, on va faire ça sans feuille et sans crayon. Oui. Le jeu de l'amour et du hasard, bon, outre l'œuvre de Marivaux, pendant très longtemps, amour, ça n'a pas du tout rimé avec hasard, puisque les mariages étaient décidés par les parents, et donc personne n'avait voix au chapitre. Il y a eu une petite fenêtre, à partir des années 60, et la libération sexuelle, où finalement on a pu faire... Chacun a pu faire un peu ce qu'il voulait au gré du hasard, même si, bon, on peut discuter après des sphères sociologiques et des choses comme ça, mais voilà. Et aujourd'hui, combien de gens utilisent pour leurs rencontres des applications de type Tinder, pour citer la plus célèbre, etc. Et une journaliste s'est penchée sur l'algorithme qui est caché là-dedans, et en fait, elle s'est rendue compte que c'était pas du tout aléatoire, que... On avait des indices de séduction, j'oublie un petit peu comment ça s'appelle, mais qui étaient fondés sur le revenu, le type d'études, etc. Et qui resserraient le champ des partenaires possibles que l'application pouvait nous proposer. Donc là, le hasard a disparu. Depuis quelques années, on a un autre versant du hasard dans les relations amoureuses qui est étudié, c'est d'essayer de prédire un petit peu comment un couple, à partir du moment où il se forme, Comment un couple peut durer, ou éventuellement ne pas durer, pour le coup, un docteur... Fameux Dr. Love. Dr. Love, ouais, John Gottman, avait réussi à... un nom d'un sérieux ultime. Ah bah, voilà. Donc, John Gottman, donc, il s'est appuyé sur des modèles mathématiques que différents mathématiciens, pour le coup, avaient développés. Il a rajouté une petite couche de psychologie, ce qui était son domaine d'expertise. Et en faisant parler des couples, en branchant différents capteurs pour mesurer le pouls, par exemple, la respiration, etc., il est arrivé à prédire, dans 90% des cas, des couples étudiés, le divorce. Voilà, donc si vous faites un dîner et que votre couple bat un peu de l'aile, il vaut mieux pas inviter le docteur Love. Non, à l'inverse, ouais. Ou peut-être plus regarder ce qu'a fait Laurent Pugeot-Monjouet dans un livre qu'il vient de publier aux Équateurs, qui s'appelle « Le jeu de l'amour sans le hasard ». Lui, pour le coup, les mathématiques servent à lutter contre le hasard pour faire qu'un couple puisse durer le plus longtemps possible. Donc, avec tout un jeu d'équations, il arrive à mettre en évidence différents paramètres sur lesquels il va falloir être attentif. L'idée, c'est de lire ce livre en couple et de s'amuser à jouer avec les équations. On le lira. Oh, t'as pas fait la vaisselle, je te mets moins. Et à partir de là, de trouver ce qui pourrait mettre en péril une relation. Et donc, une fois que c'est identifié, c'est quand même vachement plus facile de lutter contre. Et donc, pour lui, les mathématiques aident à pérenniser un couple. À lutter contre les hasards de la vie, finalement. On lira ce livre, on va partager la référence sur Twitter. On lira aussi le numéro pléthorique de Pour la science sur les lois du hasard. Une réaction peut-être à ce que vous venez d'entendre sur ces questions vastes du hasard, Sylvain Guilbeault. Oui, le hasard finalement, est-ce que vous abordez dans ce numéro la question de finalement, est-ce que le hasard existe vraiment dans la nature, ou est-ce que finalement il n'est que le ressenti que l'on a, l'interprétation que l'homme se fait des phénomènes qui se déroulent face à lui. Donc finalement la faillibilité de l'être humain finalement. C'est abordé dans un article qui est consacré justement aux moyens mis en œuvre par l'être humain pour reconstituer du hasard, pour reproduire du hasard. Oui. Et en fait, on n'y arrive pas. Donc ça veut dire qu'on n'est pas tout à fait très au point avec ce genre de questions. Même, pour le coup, par exemple, un jet de dés, il n'y a rien de plus mécaniste, par exemple. Ça obéit à de la physique de base, ça rebondit selon des lois bien connues, etc. On n'a pas ce qu'il faut encore pour malgré tout pouvoir le prédire quoi, correctement. Donc la martingale au casino, c'est pas encore pour tout de suite quoi. Jennifer Kerner. Oh, moi j'aime beaucoup trop le hasard, j'ai pas envie de me pencher sur la compréhension de ces phénomènes. Rien n'arrive jamais par hasard. Ni rencontre, ni départ. Tu es maître à bord, ne l'oublie pas, quoi qu'il advienne, rien n'arrive jamais par hasard. Le printemps viendra toujours en son temps, mais c'est à toi d'ouvrir la fenêtre. C'est à toi d'ouvrir la porte au printemps, à toi de saisir la chance offerte, à toi de saisir la clé des champs, la clé des fleurs et des rêves, à toi de faire la cour au printemps, la cour à ta jeunesse. Et l'hiver viendra aussi en son temps, à toi de savoir que le temps presse. Quand viendront la neige et les cheveux blancs, à toi d'avoir tenu tes promesses. Rien n'arrive par hasard, de Nicole Louvier à 16h34 dans la méthode scientifique sur France Culture, puisqu'on parlait à l'instant des lois du hasard. On poursuit notre tour de table des actualités scientifiques de la semaine avec vous, Jennifer Kerner, et notre deuxième dossier consacré à une nouvelle réplique de grotte préhistorique ornée, la réplique de la grotte Cosquer, non loin de Marseille. L'annonce a été faite il y a une dizaine de jours et la grotte rejoindra celle de Chauvet et de Lascaux au panthéon des répliques de grottes préhistoriques. Avant d'entrer dans cette grotte merveilleuse, écoutez cet extrait du film Le secret de la grotte Cosquer de Bernard Rebatel, Gilles Souris. C'était en 1992. Son excursion l'entraîne dans deux vastes salles aux décors somptueux. Après quelques minutes d'observation, Henri s'apprête à mettre un terme à l'exploration de ce merveilleux jardin minéral quand soudain, une trace bien étrange retient son attention. Le premier mot que j'ai dit, j'ai eu la main, j'ai regardé cette main et puis je dis que c'est qui est venu délirer là-dedans, quoi. Voilà. Et j'ai fait la photo et après, bon, il fallait repartir, hein. Bon, on en reste toujours au truc de la plongée. Quelqu'un qui attend à l'extérieur, j'ai donné une heure de retour et il fallait repartir. Cette photo engendrera bien des surprises. Je m'attendais à voir la main que j'avais vue, donc j'ai pris en photo et puis qu'il y en a deux autres qui sont apparus sur la photo que je n'avais pas vue. Alors là, vraiment, ça a été encore la surprise la plus totale. Et c'est là que je me suis rappelé un peu Lascaux, quoi, et replongé dans le dictionnaire directement, quoi. Là, j'ai vu des peintures et surtout, j'ai cherché au niveau des mains. Et puis là, je suis arrivé à en trouver. Je me suis dit, ben, s'il y a des mains, il faut vraiment fouiller toute la salle. Voilà, Jennifer Kerner, on entendait la voix à l'instant d'Henri Cosquer, l'inventeur de la grotte Cosquer qui porte son nom, qu'il a découverte en 1985. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette découverte qui avait l'air quand même assez épique? Comment il a fait? Oui, cette découverte est assez incroyable. Alors là, pour le coup, on va revenir sur du hasard parce que c'est quand même assez fou. Il était en plongée, il découvre l'entrée de la grotte et puis c'est une grotte qui est très difficile à explorer parce qu'il faut nager sur près de 137 mètres de boyaux inondés avant d'arriver dans les salle où on peut voir les œuvres paléolithiques. Donc, il fait demi-tour parce qu'il n'a pas un assez long fil d'Ariane, parce qu'il n'a pas de quoi s'éclairer. Et il ne revient que 6 ans plus tard. Et là, enfin, il découvre ces œuvres magnifiques. Et pour la petite histoire, il est un petit peu cachotier, Henri Cosquer, parce qu'il ne déclare pas tout de suite la grotte au ministère de la Culture. Et c'est malheureusement un drame humain qui va le convaincre de faire cette déclaration, parce qu'il en parle un petit peu, ça commence à se savoir dans le milieu des plongeurs, et 3 plongeurs vont avoir envie d'aller voir ces œuvres paléolithiques, et 2 d'entre eux vont trouver la mort. La mort dans ce couloir qui mène... dans ce fameux boyau de 137 mètres. Voilà. Alors c'est un site qui n'a pas toujours été aussi immergé. À quoi ça ressemblait à l'époque des peintres préhistoriques, les environs de cette grotte Cosquer? Eh bien effectivement, on a eu divers épisodes de glaciation et de fonte des glaces pendant l'existence de notre jolie planète. Et il y a 30 000 ans, puisque c'est à partir de cette période que les préhistoriques ont commencé à venir fréquenter la grotte Cosquer, le niveau de la mer était 135 mètres plus bas. Ils avaient donc parfaitement accès à ce boyau. Alors, il fallait quand même un petit peu ramper pour y accéder, mais ce n'était pas immergé. Et puis, aux alentours de 10 000 ans avant notre ère, enfin avant le présent, pardon, plutôt, on a un épisode drastique de réchauffement climatique, une montée des eaux, et aux alentours de 9 000 avant le présent, eh bien, l'entrée est définitivement close, submergée. Oui, je rappelle que là, la grotte, aujourd'hui, elle est complètement... L'entrée est submergée, on est dans les environs de Marseille, dans les Calanques, qui sont un endroit sublime, on le sait tous. Alors, quels relevés ont été effectués une fois que cette grotte a été déclarée officiellement? Qui s'y est collé? Qui a plongé? Parce que j'imagine que les préhistoriens ne sont pas tous des plongeurs... Non, en effet, pour les archéologues, il y a des spécialistes qui sont à la fois des archéologues et des plongeurs. Différentes équipes se sont succédées. Au départ, ça a été un petit peu controversé, comme toutes les très grandes découvertes. On a d'abord vu évidemment ses mains, puis le fameux panneau des chevaux. Et il a fallu, mine de rien, attendre pratiquement que Jean Clotte, qui fait autorité en matière d'art préhistorique, s'attelle au relevé de la grotte pour que la communauté scientifique commence à s'apaiser un peu et à arrêter de dire que Henri Cosquer avait peut-être fait un faux. D'accord. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on a découvert dans cette grotte? Qu'est-ce qu'on a vu? On entend dans cette archive l'apparition de ses mains soufflées. Oui. Alors, qu'a relevé d'autres? Alors, on a 65 mains négatives. Ça, c'est complètement iconique de l'art préhistorique. Hein. Il s'agit de poser la main sur la paroi et de souffler autour un pigment quelconque. Bon, là, à Cosquer, il se trouve que c'est de l'argile rouge. Donc, 65 mains, mais surtout, et Cosquer est très admiré pour ça, on a près de 175 figures animales. Et représentant 11 espèces différentes, dont certaines sont rarissimes. Et on nous envie Cosquer notamment pour les trois pingouins qui s'ébattent joyeusement dans la grotte Cosquer, parce que imaginez-vous que seulement 6 représentations de pingouins sont connues pour tout l'art du paléolithique supérieur. Et on en possède 3. Donc c'est évidemment quelque chose d'assez notable, exceptionnel. On a aussi un très beau cerf Mégacéros, et c'est une des seules représentations que l'on ait de cet animal qui est représentatif bien évidemment des périodes de glaciation, avec sa ramure qui fait près de 5 mètres d'envergure. On a aussi quelques représentations humaines, un homme tué, je crois. Ah, alors c'est encore quelque chose qui est très discuté, sujet à controverse, ouais. Parce que en fait on a fort peu de représentations d'anthropomorphes dans les grottes. On en a pas mal dans une grotte en particulier qui s'appelle la grotte de la Marche, mais c'est un cas un petit peu particulier. Mais pour le reste de l'art paléolithique supérieur, les anthropomorphes sont finalement peu nombreux, et certains d'entre eux sont effectivement percés de flèches, de traits en tout cas, parce que la flèche, ce serait un petit peu anachronique. Voilà. Une interprétation. Voilà. Et c'est très difficile en fait de savoir est-ce que ces personnes sont véritablement attaquées, parce qu'il y a eu une hypothèse de l'art préhistorique qui était l'hypothèse de la magie de la chasse, où on a vu effectivement que pas mal d'animaux étaient percés de traits. Et on s'est dit peut-être que ce sont des sagaies, peut-être que c'est fait pour justement amener l'animal à être tué plus facilement pendant la chasse. Et finalement, on s'aperçoit que cette hypothèse a un peu du mal à tenir. Alors, quand on compare ces traits sur les animaux qui sont vus comme des sagaies et ces traits sur les hommes qui sont interprétés d'eux-mêmes, eh bien, on se dit que malheureusement, là, on a encore une belle marge d'étude avant de pouvoir tirer des conclusions sur leur signification. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ces œuvres, elles n'ont pas toutes été réalisées aux mêmes périodes. Il court une longue période entre la première et la... Tout à fait. Il y a au moins 2 grandes périodes d'occupation dans la grotte Cosquer. La première, c'est aux alentours de 27 000 avant le présent. Et d'ailleurs, c'est la plus ancienne datation directe réalisée sur une œuvre paléolithique, qui est sur une main, justement, de la grotte Cosquer. Donc à cette période-là, ils sont venus, ils ont fait des mains, ils ont fait quelques motifs géométriques. Et puis aux alentours de 19 000 avant le présent, ils sont revenus. Et là, on voit éclore tout ce panthéon, cette arche de Noé animalier. Vous parliez de ses mains, il y a, je crois, une main très très émouvante, c'est une main d'enfant qui est au plafond, qui signifierait qu'un père ou une mère a porté son enfant pour qu'il imprime sa marque dans la glaise. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose de très très beau. Si on parle de cette grotte Cosquer aujourd'hui, c'est parce que, donc, on le disait, l'annonce d'une réplique à venir de cette grotte a été faite il y a peu, oui. Comme pour les grottes de Chauvet, Lascaux, dont on connaît bien les répliques, qui ont un grand grand succès touristique. Ça y est, donc c'est prévu pour 2022. Quel est l'intérêt de faire ce genre de réplique-là ? Alors, l'intérêt, il est double. Bien évidemment, l'intérêt premier pour la région sud et la ville de Marseille plus précisément, c'est bien évidemment un intérêt touristique qui va nous permettre d'expliquer au grand public pourquoi c'est important de préserver à la fois l'art paléolithique et à la fois notre environnement, puisque cette grotte, comme vous le soulignez, est en partie immergée à cause de la fonte des glaces, et la fonte des glaces qui se poursuit risque de menacer cette grotte sur moyen long terme. Donc c'est un élément de médiation culturelle, c'est un élément de prévention, d'éveil des consciences. Et puis pour les scientifiques, c'est la possibilité d'avoir un fac-similé grandeur nature qui permette une étude plus facile des phénomènes picturaux qui s'y trouvent, et surtout qui permette d'avoir un témoignage, puisque, soyons très clairs, dans quelques millénaires, la grotte Cosquer n'existera plus. Ce qui est dramatique, mais bon. Très très triste, oui. Comment on refait une grotte comme ça, d'un point de vue technique, quel types d'outillages sont mobilisés pour reconstituer une grotte à l'identique ou en tout cas de façon aussi fidèle que possible. Alors j'ai eu la chance de faire un entretien avec Alain Dalis qui est donc le directeur de l'atelier qui s'occupe de cette reconstitution. Pour la petite histoire, Alain Dalis a une histoire personnelle très liée à l'art paléolithique puisqu'il a gagné sa vie pendant ses études aux Beaux-Arts en faisant guide dans la grotte de Lascaux 2, dans la réplique de Lascaux. Et puis ensuite il a monté sa boîte pour faire la réplique de Chauvet. Mmh. Et maintenant, il fait la réplique de Cosquer. Donc, c'est une expertise qui s'est bâtie sur des décennies. Et alors, il me confiait que... alors, évidemment, il embauche des artistes qui sortent d'écoles de type Beaux-Arts. Et il les forme sur le terrain. Il les emmène dans les grottes. Il leur montre les tracés. Et il y a un véritable dialogue avec les scientifiques. Puisque, par exemple, les tracés vont se faire de la même manière qu'ils ont été faits par les préhistoriques, puisqu'il y a une chronologie du geste, un peu comme quand on fait un signe chinois, on ne fait pas n'importe quel trait à n'importe quel moment. Et bien cette chronologie du geste, elle est respectée par les équipes d'Alain Dalis, et il va également respecter les matières premières, puisqu'il utilise uniquement des matériaux naturels, en accord avec les analyses physico-chimiques qui ont été faites par les archéologues. Par exemple, quand les préhistoriques ont utilisé du charbon de bois de pin sylvestre, eh bien il va récupérer du pin sylvestre et lui-même créer son petit charbon de bois. C'est ce qui fait par exemple qu'un artiste comme Michel Barcelo avait été sollicité pour la réplique de la grotte Chauvet. Ça c'est pour l'aspect vraiment pictural, pour les anfractuosités de la grotte, pour sa forme, comment elle va être reproduite et est-ce qu'elle va être reproduite à l'identique? Alors, je vous avoue que pour l'instant, on est un petit peu dans le flou. Le communiqué de presse n'est pas tout à fait clair sur cette question. C'est vrai que la topographie de la grotte est un petit peu particulière. Donc, elle est très en hauteur. Elle s'étend à l'intérieur du réseau karstique. On va poster une photo sur Twitter d'une image en coupe de la grotte pour bien comprendre. Pour que les gens comprennent. Ouais. Oui, on a une certaine élévation tout de même. Donc, j'ai du mal à percevoir comment le spectateur va pouvoir être amené à une hauteur aussi impressionnant tout en conservant le cadre de la villa méditerranée qui, elle, existe déjà. Donc il y aura probablement des aménagements, mais je n'en connais malheureusement pas encore la nature. Alors c'est l'entreprise Kléber-Roussillon qui sera en charge de la réplique. Elle parle de véhicules autonomes à l'image de ceux qu'on peut voir dans les parcs d'attractions. Alors là, comment on évite le kitsch? Oui, eh bien, j'espère que... Je pense que Kléber-Roussillon est connu pour une certaine... générosité dans sa manière de procurer de l'émotion au spectateur est effectivement plutôt immersive. Donc ils ont voulu reproduire des capsules exploratrices sous-marines pour rappeler justement le fait que cette grotte était immergée actuellement. J'avoue que je suis assez curieuse de voir à quel point l'authenticité sera au rendez-vous. Mais je dois avouer que je fais quand même assez confiance à cette équipe qui a montré son sérieux et son souci d'authenticité avec Chauvet, par exemple. Alors, on suivra ça de très près. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, Loïc Mangin, Sylvain Guilbeault. Jennifer a commencé à l'aborder. Je me demandais dans quelle mesure la grotte était menacée par la hausse du niveau marin qui ne va faire que s'accentuer. Alors, on mesure mal actuellement. Alors, déjà, pour que les auditeurs comprennent, elle est actuellement protégée par le fait qu'il y a un phénomène de surpression dans la cavité. Mais il y a quand même déjà 4 cinquièmes qui sont immergés. Donc, on a déjà perdu beaucoup d'art de cette époque à cause de l'immersion. Donc grâce à cette surpression, pour l'instant, il y a un petit écrin protégé. On a du mal à voir à quel rythme ça va monter. Ça monte déjà. C'est pas étanche au-dessus, quoi. Ah non, du tout. Non, mais c'est justement parce que ce n'est pas étanche qu'il y a un échange d'air qui permet cette surpression. Donc à la fois, c'est un problème et à la fois, c'est un atout pour la grotte. Mais il y a aussi, au-delà de la hausse du niveau marin, le problème de la pollution qui lui, est un problème beaucoup plus immédiat, puisque les hydrocarbures ne s'arrêtent pas à l'entrée du boyau et rentrent directement dans les salles avec les œuvres paléolithiques. La méthode scientifique, Antoine Beauchamp. Troisième et dernier dossier du jour avec vous, Sylvain Guilbeault. On peut lire ce mois-ci une longue interview du récent prix Nobel de physique Michel Mayor, le premier à avoir observé avec son étudiant en thèse Didier Queloz, lui aussi lauréat du Nobel, une exoplanète baptisée 51 Pegasi B, c'était en 1995. Aujourd'hui, on découvre chaque semaine ou presque une nouvelle exoplanète, on en dénombre plus de 4000, mais à l'époque, il s'agissait d'une prouesse. Alors comment cette observation première a été faite ? Oui, effectivement, et c'était vraiment quelque chose qui a généré beaucoup d'excitation à l'époque. Alors là, juste à l'instant, il fallait plonger sous l'eau pour découvrir la grotte Cossière. Là, il faut plutôt se projeter dans un autre océan. Dans un autre océan, lui aussi extrêmement vaste, presque infini peut-être. Mais à l'époque, cette première exoplanète était vraiment un peu une surprise. Même s'il y avait plusieurs équipes qui recherchaient de telles planètes en dehors du système solaire, la définition d'une exoplanète. Et en fait, puisque finalement les planètes du système solaire, Mars, Jupiter, Saturne, on peut les voir nous à l'œil nu quand on a la chance d'échapper à la pollution lumineuse, et même parfois comme elles sont assez brillantes, elles reflètent la lumière du Soleil, on peut les voir à l'œil nu. En dehors du système solaire, les seuls astres dont on peut percevoir la lumière, ce sont les étoiles. Oui. Et même avec des télescopes, il est très difficile, et en tout cas à l'époque il était complètement impossible, de percevoir la lumière reflétée par ces planètes. Donc, pour essayer de les détecter, il fallait recourir à des techniques indirectes. Ouais. Voilà, SIU. Alors, qu'a fait en particulier Michel Mayor et Didier Queloz ? Alors, ce ne sont pas eux qui ont inventé cette technique, mais finalement, imaginez lorsque une planète tourne autour d'une étoile. On dit souvent, d'ailleurs, qu'une planète tourne autour d'une étoile. En fait, en toute rigueur, on devrait dire que la planète et l'étoile tournent conjointement autour de leur centre de masse commun. Bien sûr, comme une étoile est beaucoup, beaucoup plus lourde qu'une planète, ce centre de masse est très proche du centre de l'étoile lui-même. Mais néanmoins, du fait que la planète tourne autour de l'étoile, l'étoile, elle aussi, tourne autour de ce centre de masse. Donc finalement, quand on pointe une étoile avec un télescope, cette étoile décrit un petit cercle dans le ciel. Et ce qu'il se passe, c'est que la lumière émise par cette étoile change du fait de cette rotation. C'est ce qu'on appelle l'effet Doppler, ce que les physiciens et physiciennes appellent l'effet Doppler. C'est l'analogue de ce qu'on perçoit dans la vie de tous les jours lorsque la sirène de pompier ou de police qui file devant nous, et lorsque la voiture se rapproche de nous, on voit la hauteur du son que l'on perçoit augmenter, et au contraire lorsque la voiture s'éloigne, la hauteur du son diminue. Là, l'équivalent de la hauteur du son pour la lumière d'une étoile, c'est sa fréquence, autrement dit sa couleur. Lorsque l'étoile effectue cette petite rotation dans notre direction, eh bien sa lumière paraît plus bleue, et au contraire, lorsqu'elle s'éloigne, elle paraît plus rouge. Et la mesure, donc avec des instruments qu'on appelle spectrographes, de cette lumière, de ces longueurs d'onde, de la lumière émise par ces étoiles, eh bien on peut remonter à la vitesse de rotation de l'étoile, et cette vitesse donne une idée de est-ce qu'il y a un objet qui tourne autour de cette étoile, et cet objet, quelle est sa masse. Et c'est cette méthode qu'en 1995, Michel Mayor et Didier Queloz ont utilisée pour détecter cette étoile, comme vous l'avez dit, 51 Pegasi B, autour d'une étoile située à 50 années-lumière de la Terre. Alors ça, c'est la méthode dite des vitesses radiales. Absolument. Si je ne me trompe pas. Avec quel instrument ils ont réalisé cette observation ? Oui, eh bien, Michel Mayor et Didier Queloz ont utilisé un instrument, ce spectrographe, qui était monté sur un télescope à l'observatoire de la Côte d'Azur, donc en France. Et donc c'était vraiment une expérience alors pas inédite comme je disais, puisque d'autres équipes essayaient de trouver la même chose. Mais pourquoi est-ce que eux ont réussi et pas les autres ? C'est parce que finalement à l'époque notre seul point de comparaison de planètes qu'on connaissait déjà, c'était les planètes du système solaire. Or les planètes qui réussissent à faire le plus grand déplacement mesurable de l'étoile dont je vous parlais, ce sont finalement les géantes comme Jupiter, Saturne. Mais du coup, les astrophysiciens cherchaient de telles planètes géantes, donc qui orbitaient similaires à Jupiter, mais qui orbitent du coup assez loin de leur soleil. Et donc, pour ce faire, il cherchait à faire des mesures assez espacées dans le temps, puisque une planète comme Jupiter met des dizaines d'années à faire le tour du Soleil. Au contraire, Michel Mayor et Didier Queloz ont décidé d'élargir leur champ de leur recherche, quitte à même chercher des planètes de la taille du Jupiter orbitant très proche de leur Soleil, c'est-à-dire finalement en balayant beaucoup d'étoiles, mais en se permettant de faire des mesures très rapprochées, ils ont trouvé ce signal de variation de vitesse d'une étoile qui effectivement, cette planète est quelque chose d'exotique comparé à tout ce qu'on connaissait alors, c'est-à-dire c'est une planète qui fait la moitié de la masse de Jupiter, mais qui est déjà très grosse, et qui orbite autour de son étoile en seulement 4 ans. Vraiment, c'est très court. Et du coup, cette découverte a généré beaucoup d'excitation. D'ailleurs, une des équipes concurrentes américaines, du coup, dans les semaines qui ont suivi la publication par Michel Mayor, ont confirmé cette découverte. Et ont découvert d'autres étoiles du même type autour de d'autres planètes du même type autour d'autres étoiles. Alors, qu'est-ce qu'on a appris grâce à cette découverte de la première exoplanète, notamment sur la formation des systèmes planétaires? Oui, parce que du coup, on a appris déjà que le système solaire était peut-être une exception parmi toutes les autres systèmes stellaires. Déjà qu'il existait d'autres systèmes stellaires, c'était quelque chose dont on pouvait se douter, mais qui à l'époque n'avait rien d'évident en fait. Et aujourd'hui, comme vous le disiez, on connaît plus de 4000 planètes et beaucoup de systèmes stellaires. Et ensuite, effectivement, comme vous le disiez, sur la formation des planètes, puisque trouver de telles planètes chaudes géantes si proches de leur étoile a remis en question la façon dont se formait et la formation du système solaire lui-même. Finalement, le modèle le plus en vogue et le plus certain à l'heure actuelle, c'est qu'une planète comme Jupiter s'est donc formée assez loin du Soleil, mais qu'au cours de sa jeunesse, elle a migré et s'est rapprochée. Elle s'est rapprochée, ce qu'on appelle la migration orbitale. Absolument, elle s'est rapprochée du Soleil. Et ensuite, Saturne d'ailleurs l'a imité dans son chemin. Et puis ensuite, le fait de l'interaction gravitationnelle entre ces planètes, elles ont fait un grand revirement de bord pour à nouveau s'éloigner. Et parmi cette migration orbitale permet à la fois d'expliquer pourquoi Mars est une planète si petite, puisque en se rapprochant du Soleil, Jupiter a expulsé plein d'astéroïdes et de petits morceaux de matière de l'orbite de Mars. Et donc Mars s'est un peu retrouvé dépourvu d'éléments à agglutiner pour pouvoir grossir. Et ensuite, ça explique aussi pourquoi cette ceinture d'astéroïdes qui se situe aujourd'hui entre Mars et Jupiter contient à la fois différents types d'astéroïdes qui proviennent de plus loin et qui ont été ramenés par ce passage de Jupiter. Alors, le temps nous est compté. Il file Michel Mayor. Il est très prudent dans l'entretien qu'il accorde à la recherche sur la notion de vie exoplanétaire. En revanche, il est assez certain du fait qu'on trouvera un jour de l'eau liquide sur une exoplanète. Oui. Je pense que d'ici, selon lui, d'ici à quelques années, on trouvera une planète rocheuse à distance telle de son étoile que l'eau liquide puisse exister. C'est vrai qu'actuellement, il y a beaucoup de découvertes qui arrivent à détecter de l'eau sur des exoplanètes. Mais il faut tout de suite dire que c'est de la vapeur d'eau, et souvent de la vapeur d'eau en constituant minoritaire d'une atmosphère d'une exoplanète. À l'heure actuelle, on ne dispose pas d'instruments suffisamment précis pour détecter des planètes de la taille de la Terre et qui orbite autour d'étoiles similaires. Alors, on a consacré de nombreuses émissions aux exoplanètes. Je vous renvoie à la dernière en date qu'on avait consacrée il y a peu à l'exoplanète K2-18b. Un dernier tour de table rapidement, Loïc Mangin, que retrouve-t-on à la une de Pour la Science ce mois-ci? Ce mois-ci, celui qui est en kiosque est consacré à la théorie de l'évolution et à ce qu'elle pourrait apporter comme nouveau moyen de regarder ce qu'est le cancer. Jennifer Kerner, la dernière vidéo en date sur votre chaîne YouTube, Boundless Archéologie. C'est une FAQ pour fêter mes 10 000 abonnés. Mais vous avez... Félicitations. Merci beaucoup. Et Sylvain Guilbeault, à la une de la recherche. Eh bien, un dossier climat pour faire face à l'urgence climatique sur la seule planète sur laquelle nous pouvons habiter. On va mettre le lien sur les fils Twitter. Merci beaucoup à vous trois, Loïc Mangin, Jennifer Kerner, Sylvain Guilbeault, de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. On vous retrouve bientôt pour d'autres nouvelles de la science. Un grand merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Eve Etienne, Alexandra Delbo, Noémie Naguette, Saint-Vulfran, Céline Lozen, à la réalisation Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui Alexandre Dang. Lundi, vous retrouverez Nicolas Martin, nous parlerons odeur corporelle, et si vous tordez du nez en entendant ce sujet, écoutez l'émission, vous comprendrez enfin pourquoi on dit qu'on a quelqu'un dans le nez ou qu'on ne sent pas quelqu'un. Mardi, au programme physique des particules, on ira à la rencontre des quarks. Mercredi, digital labor, quelle est cette nouvelle forme de travail numérique et tous nos clics méritent-ils salaire? Jeudi, comment sont réalisées les études nutritionnelles? Et vendredi, émission fiction. Nous recevrons Gilles Dumay, directeur de la collection Imaginaire chez Albin Michel. On vous retrouve donc lundi. D'ici là, portez-vous bien.